Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à... Eh bien, pour une fois, elle finira peut-être plus tôt que prévu, mais la quotidienne habituellement de 18h à 19h sur le 107. Et aujourd'hui, on est vendredi. Qui dit vendredi dit billet de sortie. Comme d'habitude, un florilège d'annonces d'événements, quelques interviews aussi faites par téléphone et de la musique. D'ailleurs, je vous l'annonce tout de suite, même si je pense que j'y penserai. Mais en première musique, on écoutera du Simon et Garfunkel pour le morceau The Only Living Boy in New York, suivi de Selassou pour son morceau Alone. Ensuite, en troisième morceau, on aura Temple Sud de Poster Boy Machine qu'on a déjà... Enfin, on a écouté Poster Boy Machine la semaine dernière, mais Temple Sud me plaisait beaucoup. Et enfin, un morceau de Carpenter Brut, Looking for Tracy Tzu. Donc, voilà. Et je vous préviens d'avance, hein, ce billet de sortie risque d'être un petit peu plus court que d'habitude. Hein, j'ai pas encore fini de l'enregistrer. Comme on a notre journée porte ouverte demain, donc samedi 6 octobre, pour ceux qui nous écoutent, dès 10h, hein, la programmation sera indiquée en fin d'émission. Ce billet sortie sera plus court que d'habitude. Mais bon, il n'empêche que j'espère que ça vous plaira, que vous trouverez votre bonheur et on se retrouve après tout le billet de sortie pour la conclusion en fin d'émission. Mais en attendant, c'est Simon et Garfunkel pour le morceau The Only Living Boy in New York. Tom, get your plane right on. I know your part will go fine. Fly down to Mexico. Da-da-da-da-da-da-da. And here I am, the only living boy in New York. I get the news I need on the weather report. Oh, I can gather all the news I need on the weather report. Hey, I've got nothing to do today but smile, da-da-da-da-da, and here I am, the only living boy. We don't know where, and we don't know your honesty shine, shine, shine now. Don't, don't. living boy in New York. C'était Simon et Garfunkel pour leur morceau The Only Living Boy in New York. Ce biais de sortie va tout doucement pouvoir commencer. Mais avant toute chose, je pense, si vous avez un événement à communiquer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse contact@radiogemozo.eu avec comme objet du mail biais de sortie, ou à nous envoyer sur Facebook, hein, sur notre page Radio Gemozo. Ce sera avec plaisir qu'on transmettra vos informations. Et ça y est, le billet de sortie commence, hein, vous l'avez entendu, le générique est lancé. Et bon, j'avais déjà dit un petit peu plus tôt qu'on a notre journée porte ouverte à la radio, je vais pas en dire beaucoup plus à ce sujet parce que vous en saurez plus à la fin pour la programmation, hein, au moment du générique. Mais on va commencer ce billet de sortie avec la rubrique autre, hein, la rubrique dans laquelle je sais pas trop où classer ça. Et c'est le moment, hein, si vous voulez faire du zéro déchet ou redonner une seconde vie à des objets, à des vêtements. Il y a déjà le deuxième vide-armoire du Handball Club de Remiremont qui propose des vêtements, des objets liés à la périculture et des jouets. Donc ce sera dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 17h à la salle du centre aéré à la Grange Puton de Remiremont avec parking à proximité. Ou sinon, toujours dimanche, hein, ce sera l'amicale du personnel communal de Saint-Étienne-lès-Remiremont qui propose un vide-armoire lui aussi le dimanche 7 octobre aussi à la salle polyvalente. Par contre, c'est pas le même endroit, à la route de Xénois à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Ce sera ouvert au public de 9h à 17h et l'entrée pour les deux vides armoires est tout à fait gratuite. Il y a autre chose qu'il fallait quand même qu'on annonce, c'est le loto de Radio des Ballons. En effet, hein, samedi 6 octobre, ils proposeront à la médiathèque du Tio un loto. Si vous voulez réserver, ça passe au numéro suivant, donc le 03 29 28 10 34 ou le 06 45 17 33 85. Il y a différents lots à gagner, hein, je crois. Le premier lot, c'est un séjour sur l'île de Djerba pour deux personnes. Le deuxième lot, c'est une nuit insolite à la ferme Aventure pour deux. Il y a aussi d'autres lots à gagner, hein, drone, écran plat, réfrigérateur, cafetière et de nombreux bons d'achat. L'ouverture des portes se fait à 19h. Hein, les jeux commencent à 20h30. Le carton coûte 4€, les 4 cartons 15€, les 6 carton 20€ et un carton est offert par réservation pour la personne qui réserve. Donc si vous voulez peut-être passer une bonne soirée, allez samedi 6 octobre à la médiathèque du Stio à partir de 19h pour le loto de Radio des Ballons. Et cette rubrique touche déjà à sa fin. On va s'écouter un deuxième morceau. Comme on l'a annoncé plusieurs fois cette semaine, on a notre journée porte ouverte. On est convaincu qu'on ne sera pas tout seul. Donc pour conjurer un petit peu le sort, on va s'écouter le morceau Alone de Selassou. It's a dark road on the other side. Et c'était Céla Sou pour son morceau Alone. Vous êtes de retour dans le billet de sortie, dans la rubrique un petit peu culture cette fois. Donc j'ai décidé de commencer cette rubrique culture par un lieu géographique en particulier. Il s'agit de Rue sur Moselle qui organise deux événements qui sont dans deux interviews bien distinctes. À commencer par le centre socioculturel de Rue qui expose. Hein, c'est animé par l'association Rue Anime. Et pour en savoir plus, j'ai eu Jean-Jacques Vigneron au téléphone qui nous donne toutes les infos nécessaires. Je vous laisse l'interview et on se retrouve juste après pour la suite des événements. On continue dans la veine des expositions avec Rue sur Moselle qui organise une exposition ce week-end, hein, donc les 6 et 7 octobre 2018. Et pour en savoir plus, j'ai Jean-Jacques Vigneron de l'association Rue Anime au téléphone. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Alors dites-moi, en quoi ça va consister cette exposition ? Eh ben, écoutez, cette exposition est une exposition annuelle que nous faisons toujours le premier week-end d'octobre. Et peut-être que ça inspire beaucoup plus d'artistes peintres à cette saison. Voilà, donc c'est toujours cette saison qu'on fait cette exposition qui aura lieu donc ce week-end du samedi 6 octobre de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et ça aura lieu seulement samedi et dimanche ? Samedi et dimanche, oui. On le fait seulement sur deux journées. En effet, seulement sur ces deux journées, ce sera au centre socioculturel de Rue. J'expliquerai en fin d'interview où ça se trouve exactement. Mais dites-moi, vous faites partie de l'association Rue Anime. Vous êtes qui au sein de cette association ? Au centre de cette association, je suis un membre actif où nous participons à toutes les manifestations qui font vivre, on va dire, un petit peu le village. Et entre autres, l'exposition de peinture, étant peintre amateur à la base, ce qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier pour pouvoir organiser cette exposition qui aujourd'hui, c'est la 25e, donc ça fait déjà une paire d'années, qui a existé déjà avant. Et aujourd'hui, ben, nous allons faire la 25e exposition de peinture et de sculpture à Rue-sur-Moselle. Oui, parce que vous disiez, il y a de la peinture et de la sculpture, on en parlera juste après. Vous avez dit, donc, Rue Anime, c'est une association qui fait en sorte que ça bouge à Rue-sur-Moselle. Voilà, c'est ça. Qui à la base, ça fait le comité des fêtes. On a voulu changer un petit peu, redonner un petit mouvement, un petit coup de frais à toutes ces associations qu'il y a. Et on s'est appelé Rue Anime, voilà. Et donc, tout au long de l'année, vous organisez divers événements. Oui, tout à fait. Divers manifestations. Et là, cette fois, ce sera pour une exposition. Il y a combien d'artistes qui vont exposer ? Alors, j'ai entendu aussi, ce sera de la peinture et de la sculpture. Et de la sculpture, voilà. Donc, nous avons trois sculpteurs qui allons exposer sur 23 artistes qui vont être présents. Donc, 20 artistes qui vont, bien sûr, à aquarelle, pastel, huile, et quelques photographies aussi. Voilà, en plus de la sculpture. Et comment vous est venu le choix de ces différents artistes ? Pourquoi eux ? Le choix des artistes, bon, on va dire, se fait peut-être par le bouche à oreille, et puis le fait, bon, comme ça fait, je vous dis, 25 ans d'exposition, les gens sont habitués, donc de nouveaux artistes viennent se greffer un petit peu à cette exposition, et puis ben, d'autres aussi quittent, parce que, bon, ben voilà, il est l'heure de s'arrêter, mais sachant qu'on peut peindre très très tard et participer, mais bon, il n'y a pas de critères vraiment de sélection mis à part une certaine qualité de création, ce qui va de soi, mais qui reste tout à fait amateur. Qui reste amateur, comme vous le disiez, c'est le plus important. Et l'entrée pour cette exposition, elle est payante ? Cette entrée est gratuite, hein. Cette entrée est gratuite, et pour les personnes aussi à mobilité réduite, il n'y a aucun souci. Par contre, il y a une petite souscription de 2 euros pour ceux qui veulent participer, parce que ce qu'on fait pour pouvoir faire vivre cette manifestation, nous faisons une petite tombola d'objets décoratifs, qu'on va dire, qui peuvent être gagnés à la tombola. Bon, celui qui veut jouer, joue. Celui qui joue pas, qui veut pas jouer, ne joue pas, quoi. Mais l'entrée reste gratuite. C'est en effet important de le préciser et peut-être que les auditeurs ont peut-être envie de s'y rendre à cette exposition. Donc vous pouvez peut-être expliquer comment se rendre au centre socioculturel pour ceux qui ne savent pas où c'est. Le centre socioculturel, ça se place à Rupes-sur-Moselle, au centre du village appelé La Croisée, où il y a les feux. Ça sera indiqué, il y a les panneaux qui sont marqués, exposition de peinture ce jour, avec les flèches qui nous indiquent le socioculturel. Donc très facile à trouver dès l'instant au centre du village. Et c'est direction le col du Mont-de-Fourche. Direction le col du Mont-de-Fourche, tout à fait. Donc voilà, ça c'est toutes les informations. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'il faudrait peut-être retransmettre? Samedi, on aura le samedi et le dimanche, on a une démonstration de sculpture. Un sculpteur créateur et qui fait des petits bijoux de toute essence de bois qui s'appelle Olivier Leduc, qui sera présent, qui est là présent tous les ans. L'an dernier, c'était sur le thème des champignons. Cette année, il va nous faire une surprise. On ne sait pas sur quel thème il est parti, mais il va sculpter et prêter même ses outils pour que des personnes qui veulent s'essayer à la sculpture puissent travailler le bois, entre autres. Et le samedi même après-midi, de 15h à 17h, nous avons fait un petit atelier peinture, pardon, pour les enfants, sur le thème de la pomme. Pourquoi la pomme? Bon, on a pris, c'est facile, on va dire, à peindre. Et comme la semaine prochaine, c'est les croqueurs de pommes à Rupes-sur-Moselle, encore une manifestation qui se trouvera au même endroit, on avait dit, on va choisir le thème peindre une pomme pour les enfants qui veulent s'initier à la peinture, pourquoi pas les présenter le jour des croqueurs de pommes. Et puis le dimanche, à partir de 14h, un aquarelliste qu'on a pu, c'était aujourd'hui, mais qui est très reconnu, c'est Francis Lutten-Bachard, qui va nous faire une petite aquarelle en direct, comme ça, pour tous les passionnés de l'aquarelle et ceux qui voudraient peut-être un jour, pourquoi pas, accéder à ce plaisir. Donc ça passera à partir de 14h, où il fera une démonstration d'aquarelle. Est-ce que d'ailleurs Rue Anime a une page Facebook peut-être pour montrer des photos en direct ou... Page Facebook, non, on a un site. Le site de rue Aminem à la mairie, et donc on veut transférer les photos à Marie-Madeleine, et on peut aller les visiter. Dès l'instant, on va sur le site de Rupes-sur-Moselle. Eh bien, c'est bien noté. Je vous remercie beaucoup, Jean-Jacques, pour toutes vos informations. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce week-end, et j'espère qu'il y aura des artistes très intéressants, mais j'en suis convaincue. Je vous remercie à vous aussi. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Donc, comme je le disais, on reste à Rue pour une deuxième exposition. C'est pour l'anniversaire de l'armistice à la mairie de Rue, tout simplement. J'ai eu Madame Labreuche, Marie-Madeleine Labreuche, au téléphone. Pour en savoir plus, je vous laisse aussi avec l'interview que j'ai faite avec elle. Toujours à Rue, cette fois plus avec la mairie, cette fois avec Madame Labreuche, Marie-Madeleine Labreuche, adjointe en animation communale et en communication aussi à la mairie de Rue, qui est là pour nous annoncer aussi une autre exposition. Bonjour Marie-Madeleine. Oui, bonjour. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour un événement non pas artistique, comme je l'ai annoncé avec Monsieur Vigneron, mais plus historique. En effet, il y a dans les couloirs de votre mairie, si je ne me trompe pas, une exposition pour l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Nous avions souhaité célébrer la fin de la guerre. On n'avait pas fait d'exposition avant. Nous, notre souhait, c'était de faire pour le 11 novembre, avant le 11 novembre 2018. Oui, ça fait longtemps d'ailleurs que c'est en projet cette exposition. Ça fait depuis le printemps qu'on est dessus. Ça doit être beaucoup de travail. Cette exposition, elle se constitue de quoi? On a beaucoup d'expositions, beaucoup sur Moselle, puis sur la guerre 14-18. Et puis les dates ont été choisies aussi par rapport à une exposition de monsieur Jean-Marc Kimmel, qui est de Lérin, et qui a une exposition sur l'entrée en guerre en 1917 des Américains. Oui, et j'imagine que cette exposition, elle est faite avec des photos, des textes, oui. Peut-être même des objets d'autrefois. Oui, exactement. Oui, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de thèmes différents aussi. Des thèmes, c'est-à-dire oui. Ben, il y a l'histoire, il y a l'historique, tout ce qui était la guerre, mais il y a aussi les plantes qui ont été importées pendant la Première Guerre mondiale. Il y a il y a un thème aussi sur les As des As aussi, qui avaient des titres. Donc, il y a des Vosgiens qui en font partie. Il y a les gueules cassées, des fusillés aussi, pour l'exemple aussi, qui a eu des personnes qui ont été fusillées aussi. Il y a des animaux aussi pendant la guerre, le rôle des animaux. Oui. Il y a beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses, beaucoup de thèmes. C'est une exposition qui s'étend, on va parler d'espace. Ça, c'est une assez grande exposition. Ben là, on a quand même sur plus de 250 mètres carrés. On a la salle du conseil municipal qui est réservée à cet effet. On a le hall d'entrée de la mairie et on a une autre salle encore en bas. Autre chose, enfin à l'aide. En bas de la mairie. Ah, donc il y a quand même pas mal de choses, de matières. Est-ce qu'il y aura possibilité peut-être de discuter avec des personnes sur place, des familles qui ont des témoignages ou des personnes spécialistes? Demain matin, on a des personnes, parce qu'on fait une inauguration avec toutes les personnes qui nous ont prêté des objets et puis des écrits, tout ça. Et il y aura des descendants de personnes qui sont décédées, quoi. Oui. Qui seront là, oui. Donc en fait, le moment où se rendre à l'exposition, c'est déjà demain. Demain à quelle heure? Alors pour tout le public, c'est à partir de 14h. C'est de 14h à 17h. Ça sera ouvert tous les après-midi à partir de demain jusqu'au dimanche 21 octobre. Et comme vous disiez, tous les après-midi, c'est quand même au sein de la mairie. Ça sera ouvert aussi les dimanches? Oui, même le dimanche, oui. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui. C'est bon à savoir. Donc, vous disiez tous les après-midi de 14h à 17h, c'est sur la, c'est à la mairie de rue, j'imagine que tout sera indiqué. Donc, on parlait de photos, Oui, il y a une question que j'ai pas encore posée. J'imagine que ça va de soi. L'entrée à cette exposition est gratuite. Ben, bien sûr, oui. C'est important de le préciser. Il faut pas aussi avoir peur. Quand on arrive, il y a des mannequins aussi. On trouve du monde aussi. Dans le hall de la mairie, on trouve encore. On a plusieurs mannequins qui ont été prêtés par un collectionneur aussi. Voilà. Ah, donc, Sur l'exposition sur les États-Unis, c'est pareil, il y a des mannequins qui sont habillés avec les costumes d'époque. Oui, donc une exposition quand même la plus complète possible. Vous avez dit inauguration donc samedi 6 octobre, je précise au cas où pour la rediffusion de samedi matin, jusqu'au, vous avez dit 23 novembre 21 octobre précisément. Oui. Donc profitez-en. Voilà, ça va durer 15 jours, allez-y, sans plus de discours, je pense que c'est important de se renseigner à nouveau sur la Grande Guerre. Oui. C'est une période de l'histoire qui commence à remonter, donc qu'il faudrait quand même pas oublier pour autant. Écoutez, vous avez d'autres informations à nous transmettre, Marie-Madeleine? Non, pas spécialement, non. Non, je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont participé à cette exposition, qui nous ont aidés, qui ont amené des choses. Et voilà, il y a des témoignages aussi, il y a beaucoup de choses. Alors donc, toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette exposition. Eh bien, Marie, ça c'est important. Oui. Parce que toute seule, j'aurais pas rien pu faire. En effet, on le comprend. On en profite, d'ailleurs, comme vous le dites aussi, de remercier toutes ces personnes qui ont travaillé avec vous. Madame Labrouche, merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi aussi, merci. Et passez un bon week-end. Au revoir. Oui, merci vous aussi. Au revoir. « si je vous dis parc, jardin, écomusée textile? Je suis sûre que vous me répondriez Wesserlin. Et en effet, dans le cadre du Festival des Jardins Métissés, il y a chaque dimanche à 14h un événement dans l'enceinte du jardin du parc de Wesserlin. Ce dimanche 7 octobre, ce sera un conte et une mini-enquête. Le parc de Wesserlin comble et surprend ses visiteurs depuis plus de 15 ans. Et en plus des puces couturières que je vous expliquerai juste après, le parc vous donne rendez-vous dans les jardins pour écouter les fabuleuses histoires de Gabriel Rambaud. Ce dimanche, on raconte qu'il y a longtemps, à Wesserlin, un trésor était caché au château. Personne ne savait quel mystère il renfermait, jusqu'au jour où un voleur s'introduisit au château. Toutes les informations pour les billetteries seront indiquées à la fin des événements concernant Wesserlin, mais concernant les puces couturières, je l'avais dit, toujours dimanche 7 octobre dans le cadre, dans le parc de Wesserlin. Cette fois, ce sera à la médiathèque de l'Étoffe des Mots. Donc, c'est un petit marché des couturières à l'occasion. C'est l'occasion de découvrir, de venir chiner des tissus, de la mercerie, des livres, des accessoires, des vêtements, des chapeaux, mais aussi d'échanger des conseils, de partager son savoir faire et de montrer ses créations. Près de 30 exposants vous attendent pour partager leurs secrets de fabrication, ainsi que tous les artisans du pavillon des créateurs et de la médiathèque de l'Étoffe des Mots. Et on en vient à un concert, cette fois ce sera jeudi 11 octobre, je l'annonce quand même un petit peu en avance. C'est un concert de tambour japonais par le groupe Koma, K-O-M-A. C'est dans le cadre des Japonismes 2018, les âmes en résonance. Jeudi 11 octobre à 13h30, le groupe Koma se produira sur scène à la grande chaufferie du parc de Wesserlin. Un concert organisé à l'occasion du 160e anniversaire de relations diplomatiques entre la France et le Japon. Mon concert de taiko, instrument traditionnel du Japon, comme je le disais, jeudi 11 octobre à 13h30 à la chaufferie. Et ça y est, c'est l'heure de donner les informations. Donc ça se trouve bien entendu au parc de Wesserlin à l'écomusée textile. C'est à la rue du parc à Usren-Wesserlin. Et l'entrée est payante pour beaucoup de ces événements, en tout cas pour entrer au jardin. Et je crois pour accéder aussi à la grande chaufferie. C'est un billet unique par contre, ça donne accès à tout, tout, tout. Et donc l'entrée adulte est de 9,50€. L'entrée pour les enfants de 6 à 18 ans ou pour les étudiants est de 5€. Et enfin, c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Et voilà, ça c'est tout ce qui concerne le parc de l'écomusée textile de Wesserlin. Et on se dirige vers la Bresse cette fois, qui a aussi beaucoup de choses à annoncer. D'ailleurs, la semaine du goût va commencer dès lundi. Mais avant tout, si vous êtes intéressé par le 20h04 de l'idée sans détour, éteignez votre poste et filez à la Bresse maintenant, tout de suite, parce que c'est une nouvelle soirée autour de la géographie en collaboration avec le Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges, avec Perrine Toussaint qui est archéologue, Adrienne Iria qui a fait de l'humanitaire en Afghanistan, Béatrice Giblin qui est docteur en géographie et enfin Biglin Alancep qui est musicien. Donc pour le 20h04 de l'idée sans détour, comme d'habitude, ça commence à 20h04. Pile à la maison de la Bresse. Je vous encourage vivement à aller faire un tour parce que ça vaut le détour. Et ça, c'est pour le 20h04 de ce soir, vendredi 5 octobre. Sinon, comme je le disais, il y a une exposition. C'est une histoire de poule faisane, un chassé-croisé d'envol déplumé sur fond de vaisselle cassée et de verre ébréché où flottent les ombres des funambules qui tintinabulent et pourtant, elles planent. À la maison de la Bresse, c'est toujours l'exposition « Cette petite part d'oiseau qui est en nous » de Claude Semelet. Et en parallèle, ça y est, l'exposition sur le centenaire de la Grande Guerre s'est arrêtée. Mais il y a une nouvelle exposition, c'est Elisabeth Dumoulin avec ses statues en papier mâché et ses collages colorés. Donc ce sont des personnages en volume complétés par des toiles. Les premiers sont en papier mâché, les secondes plutôt en collage sur toile. Le papier mâché, bien qu'il ne soit pas une matière noble à proprement parler, a pourtant de grandes exigences. C'est assez capricieux, ça se déforme en séchant, mais il permet d'obtenir une telle intensité d'expression qu'Elisabeth Dumoulin en a fait sa principale technique. Quant au collage, il naît d'un esprit de liberté, animé par le désir de l'artiste de trouver un vrai langage dans ses papiers peints, repeints, grattés, raclés, triturés, nuancés, puis collés, composés, équilibrés dans l'espace et la couleur. Et encore décomposés, déstructurés, détruits parfois, pour que renaisse un autre tableau qui se révélera meilleur conducteur d'émotions. N'hésitez pas à aller faire un tour à la maison de la Bresse. Les horaires, donc, c'est ouvert les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30, puis de 15h à 18h. Et sinon, la semaine, du lundi au vendredi, de 15h à 18h. Et l'entrée pour tous ces événements est bien entendu gratuite. Ah oui, et j'oubliais, on va s'écouter un nouveau morceau, un troisième morceau, c'est Temple Sud de Poster Boy Machine. Et on se retrouve juste après la pause musicale sur Radio Gamozo. Le morceau Temple Sud de Poster Boy Machine, toujours sur Radio Gamozo 107 FM dans l'heure des loups pour le billet de sortie. Et c'était un petit peu prévisible, hein. On finit avec la rubrique musique. Oui, ça y est, ça touche déjà tout doucement à sa fin, je vous avais prévenu. Donc, avant toute chose, hein, j'ai fait une interview par téléphone, alors non pas avec Steve, mais avec Sébastien Godet du complexe L'Artiste. Par avance, je m'excuse pour nos voix, hein. Il y avait des petits problèmes de ligne. Donc le montage, on peut pas faire de miracle avec, mais on fait ce qu'on peut pour que ce soit écoutable. Je vous laisse avec l'interview que j'ai fait avec Sébastien Godet du complexe L'Artiste. Et on retrouve aujourd'hui, hein, pour changer, non pas Steve du complexe L'Artiste, mais Sébastien Godet pour annoncer le programme du complexe L'Artiste. Bonjour Sébastien. Bonjour. Déjà c'est une première, alors bienvenue à l'antenne à Radio Gamozo. Dis-moi quelle est la programmation de la semaine et le week-end. Le week-end déjà, on a déjà commencé le week-end comme tous les jeudis avec le karaoké. Donc ce soir, on a une soirée un petit peu spéciale, c'est de la magie avec du close-up, avec le Vosges Magic Club qui sera ce soir. Et puis demain, on sera sur une soirée trash metal, donc avec Angelus Zapatrila. C'est un groupe espagnol qui vient faire un gros concert chez nous. Donc voilà. L'entrée sera à 10 euros et l'ouverture des portes sera à 20 heures. J'imagine que pour c'est pas le si c'est le concert de métal qui est entrée payante. C'est ça. Il y aura bien entendu des informations sur la page Facebook. Ce sera quel jour déjà? Ça sera samedi. Ah samedi. Demain. Donc demain. Donc ça c'est pour le week-end. Il y aura quelque chose dimanche au complexe l'artiste. Alors dimanche on ouvrira en mode lounge avec une petite playlist ouverture toute seule, mais voilà. Oui. Et après dimanche, il y a lundi, bien entendu. Est-ce qu'il se passe quelque chose lundi chez vous, chez toi? Alors non, ça sera la prochaine réouverture. Du coup, ça sera mercredi, ouais. Avec une soirée salsa, bachata, kizomba pendant toute la soirée. Et puis ensuite, pour le week-end d'après, on aura du concert à partir de vendredi. Oui, d'accord. Et après, bah, qui dit jeudi dit karaoké, comme d'habitude, c'est ça? Voilà, c'est ça. Toujours pas de karaoké à thème spécifiquement? Non, on aura un gros karaoké à thème au mois de novembre, un karaoké spécial années 80. Ah, ben on a hâte d'y venir pour annoncer ça plus précisément. Et tant qu'à faire, peut-être que les auditeurs puissent peut-être savoir ce qui se passe vendredi prochain, donc le, je crois que c'est pas loin du 12 octobre. Donc vendredi 12 octobre, on aura Jeff Klein, c'est une artiste qui vient de Berlin, donc qui va venir faire un tour chez nous pour de la composition, avec Alice, une chanteuse d'Épinal. Donc voilà, qui va faire une petite soirée. Et puis on retrouvera donc les Maudites Blues, un groupe local, et Undervoid samedi, donc un groupe de compo strasbourgeois. Ah bah c'est super tout ça. De toute façon, on se retrouvera vendredi prochain pour réannoncer tout ça. Et les concerts donc du week-end prochain sont gratuits aussi ou l'entrée est payante? Alors l'entrée est gratuite le vendredi et l'entrée pour le samedi, il me semble qu'elle est à 4 euros si je ne me trompe pas. On redonnera toutes les informations la semaine prochaine. Bien entendu. Oui, je pense que c'est tout bon. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question qui me venait, Sébastien. Je crois pas, non. Peut-être un gros événement à annoncer. Ah oui, peut-être. Le 20 octobre, on fait un blind test géant. Donc, sur réservation, ça commence à limiter au niveau des places. Donc, il faut réserver sur le site internet. Donc, complexelartiste.com, tout attaché. Et, oui, bien entendu, rappelez aussi votre page Facebook, hein, sur laquelle se trouvent aussi toutes vos indications, donc la page Facebook et le site. La page Facebook, c'est complexelartiste, qui sera d'ailleurs taguée avec le podcast de l'émission quand elle sera diffusée. Ça, bien entendu, je le rappellerai en fin d'émission. Écoute, Sébastien, je crois que c'est tout pour nous. D'ailleurs, j'en profite quand même pour faire un gros bisou à Steve s'il nous écoute. Hein. Il a pas le temps, mais bon, le plus important, c'est de transmettre les informations pour le complexe l'artiste. Merci bien. Merci à toi, Sébastien, et bon week-end. Merci à vous. Salut. Et enfin, on se dirige vers Épinal, vers le complexe de la Souris Verte plus précisément, qui samedi 20 octobre à 20h30 organise un concert avec Sergent Garcia et Aller et Hors d'œuvre. Donc Sergent Garcia, hein, oui, ça fait 20 ans que l'instigateur de la salsa muffin, novateur cocktail des deux musiques majeures issues des Caraïbes, le reggae et la salsa, enflamme l'Europe et l'Amérique du Nord et du Sud. En 2018, il repassera en concert tous ses succès Amor Pami, Akabar Mal, Révolution, Long Time, Jumpy Jumpy et un long, etc. avec quelques titres inédits sortis directement de son voilier, le Guacamayo, aménagé en studio d'enregistrement qui traversera l'Atlantique en 2019. Et concernant Aller et Hors d'œuvre, mettez en duo un auteur à la plume exquise et légère avec le vice-champion du monde de Scratch et vous obtenez un projet musical tantôt hip-hop, tantôt funky. On ajoute du rap, du swing, du jazz, de la pop, de la world music et là, c'est la rime qui explose. Tantôt sensible, engagé, enjoué, Aller et Hors d'œuvre offre un instant de conscience engagée et légère. Donc je le disais, c'est samedi 6 octobre à 20h30 à la Souris Verte à Épinal. L'entrée coûte de 15 à 20 euros. Et je vous laisse pour cette dernière pause musicale avec Carpenter Brut pour le morceau Looking for Tracy Sue. Oui, oui, j'aime vraiment beaucoup Carpenter Brut. et c'était Looking for Tracy Tsu de Carpenter Brut, et qui dit dernière musique dit moment d'écouter tout doucement le générique. Et oui, vous le savez, vous avez l'habitude. Et qui dit générique dit aussi programmation de la soirée du week-end. Donc comme je le disais, on se retrouvera donc à 21h pour l'émission de Vincent, Vivre et créer la montagne, puis rediffusion demain matin de 7h à 8h de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. D'ailleurs, pour une fois, ce sera la seule fois du week-end où elle sera rediffusée, donc ne nous loupez pas le créneau. Mais pour ceux qui le loupent, hein, comme par malheur, c'est des choses qui arrivent. L'émission sera disponible en podcast sur notre page Facebook Radio Gemozo et sur notre site internet radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, smartphone, tablette, tous les systèmes d'exploitation, ça fonctionne. Et après, on retrouvera à 8h30 Hélène pour les Vosges samedi, puis à partir de samedi, comme je le disais, hein, notre journée porte ouverte commence, hein, donc dès 10h avec Cyril Renaud pour Musette Partie. Puis à partir de 14h, on a Dominique et Michel qui viendront nous faire une lecture. Puis à partir de 15h, discussion avec des élus. Hein, je vous laisse un petit peu la surprise jusqu'à demain. Après, dès 16h, ce sera Gilou qui recevra Anaïs et Fabian, un duo musical dont il a déjà parlé plus d'une fois. Puis dès 17h, ce sera Mika qui recevra Jacques Simard pour la présentation de son nouvel album. Et ensuite Kalou, auteur et compositeur-interprète. Et pour clore la soirée, on ne sait pas encore à quelle heure ça va se passer, mais ça, c'est beau, c'est les aléas. Alors non pas du direct cette fois, mais simplement de la vie, les choses suivront leur cours. Mais il y aura émission musicale, hein. Je compte faire une émission musicale beaucoup plus conséquente de ce que vous avez écouté, mais c'est une espèce de billet de sortie sans les sorties à annoncer, juste avec de la musique qui punche bien. Et forcément, discussion jusqu'à plus soif, littéralement. Donc passez-nous voir à la journée porte ouverte, hein, c'est aux 8 places de l'hôtel de ville à Saint-Étienne, les Remiremont. Pas d'entrée à payer de toute façon, c'est logique. Hein. Tout sera indiqué quand vous viendrez, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre page Facebook pour en savoir plus. On a aussi créé un événement pour ça. Et enfin, toujours samedi, hein, ou ce sera plutôt dimanche matin, rediffusion de Memento Mori. Puis après, dimanche, hein, rediffusion de Musette Partie avec Cyril Renaud, suivi de Salut les 60 dès 10h. Et suivi ensuite à 16h du J'ai aimé, je vous le lis avec Dominique, pour enfin clore le dimanche avec Jazz Time de Radio Déclic et une grosse période de jazz à écoutez. Et on se retrouvera lundi de bonne humeur comme d'habitude pour la semaine du goût de la Bresse. Enfin bref, j'espère que ce billet de sortie vous a plu, que vous avez trouvé votre compte et que vous pourrez, si vous le pouvez, hein, passer à notre journée porte ouverte. Ça fera vraiment, vraiment plaisir. Enfin bref, je vous remercie, je vous souhaite un très très bon week-end et dans le pire des cas, on se retrouve alors samedi ou sinon lundi sur le 107. Au revoir tout le monde.